avec ses âmes immortelles sur ses monstres esclaves. Imagine ce qu'il adviendra de la terre, ravagé par des armées de créatures invincibles. L'apocalypse, Shadowman. La fin de tout. Ok, j'ai compris. Je récupère les âmes noires avant le grand méchant. Mais où sont-elles? Dans les govis. Chaque govis a été scellé par la puissance du vaudou. Les plus grands bokor ou mambo n'ont pu les ouvrir pour délivrer les âmes noires prisonnières à l'intérieur. Même moi, j'ai échoué. Mais un Shadowman ou quelqu'un de plus puissant encore devrait y parvenir. Libère les âmes noires et accueille-les en toi. Mais attention, elles recèlent un pouvoir maléfique absolu.